moi qui danse. Je te vois sourire. Tu montes ta dernière danse. Tu veux me voir partir. Je te vois qui te dresse. Comme moi, je m'accroupis. Comme je languis cette chaise. Sous cette corde qui se languit. Je paierai cher et en espèce. Mon petite coupure de vie. Avant encore tes robes éphémères. Envelopper mon manteau de pluie. Et je te vois qui danse. Sont-ce les femmes qui manquent ou ce désir, cette envie? Gagner en toute impuissance, c'est perdre le don de l'oubli. J'irai glaner dans les cimetières le parfum du sans-souci. Ferai ami-ami avec les pierres et m'endormirai sans bruit. Sûr que c'est le pli de l'enthousiasme qui fait le sourire à la vie. Comme pour sûr que derrière les menaces se chuchotent dans les cris. Je te vois qui danse. Et je te vois qui danse.